Le matin, quand je m'habille, je fouille dans mes placards. Toutes mes robes sont très gentilles et j'en mets une au hasard. Mais pour le choix de mon chapeau, c'est différent. Et c'est pour cela qu'il m'en faut 200 paros. Mon petit chapeau blanc, je le mets pour Fernand. Mon petit chapeau vert, je le mets pour Albert. Mon petit chapeau gris, c'est pour mon Henri. Mon petit chapeau noir, c'est pour mon Édouard. J'en ai un à pois, c'est pour mon Éloi. Celui de chez Lewis, c'est pour mon Maurice. Mon chapeau marron, c'est pour mon Léon. Et mon chapeau de tulle, c'est pour Théodule. Celui qui a un petit oiseau, fine plume jaune et des petits carrousels pour mon Pierrot. Mais quand je sors avec Victor, je mets le grand tout en tussor. J'en ai un tout petit, extrêmement gentil, avec des glaïeuls. Je le mets quand je sors seul, sans en avoir l'air. Celui que je préfère, c'est mon chapeau vert, tout vert, que je garde pour Albert. Dès qu'un homme m'a séduite, je me prête à ses affronts. Et puis je cours chez ma modiste afin d'y cacher mon front. Et l'on connaît mon déshonneur encore tout chaud, rien qu'en regardant la couleur de mon chapeau. Mon petit chapeau blanc, je le mets pour Fernand. Mon petit chapeau vert, je le mets pour Albert. Mon petit chapeau gris, je le mets pour Henri. Mon petit chapeau noir, je le mets pour Édouard. J'en ai un pois, c'est pour mon Éloi. Celui de chez Lewis, c'est pour mon Maurice. Mon chapeau marron, c'est pour mon Léon. Et mon chapeau tulle, c'est pour Théodule. Celui qui a un petit oiseau, une plume jaune et des petits carrousels pour mon Pierrot. Mais quand je sors avec Victor, je mets le grand tout en tussor. J'en ai un tout petit, extrêmement gentil, avec des glaïeuls. Je le mets quand je sors seul, sans en avoir l'air. Celui que je préfère, c'est mon chapeau vert, tout vert, que je garde pour un.